Septième chapitre. Les environs de Sainte-Marthe. La Horqueta. La sucrerie de Zamba. Le médecin sorcier. Après m'être installé à Sainte-Marthe, il me restait à faire quelques excursions à travers la plaine et dans les montagnes qui l'enferment de leur gigantesque amphithéâtre. Ma première course fut dirigée vers le promontoire qui borde du côté du nord les salines et le port de Sainte-Marthe, et dont les falaises abruptes commandent si fièrement les flots. Grâce à une ravine étroite, ouverte par les eaux de pluie, dans les rochers d'ardoise, je pus gravir, non sans peine, jusqu'à l'arête vive de la colline. Du haut du môle énorme sur lequel je me trouvais, je dominais à la fois deux vastes baies. À gauche s'arrondissaient les suaves contours de la rade de Sainte-Marthe, où se balançaient quelques navires à l'ancre. À gauche se déployait le port de Taganga, plus ouvert mais beaucoup plus vaste que celui de la ville, et cependant bien rarement visité, si ce n'est par une goélette de contrebandiers ou une barque d'Indiens. En ce moment, rien ne m'y rappelait l'homme, pas même une simple hutte sur le rivage. Malgré mon désir de contempler plus longtemps les deux golfes si gracieusement arrondis de chaque côté de la chaîne étroite, la violence du vent me força bientôt à descendre un grand escalier de roche et à me tapir sur le sable dans une grotte défendue des vagues par des récifs en désordre. Le vent alisé se fait toujours sentir avec une très grande force à une certaine hauteur au-dessus du niveau de la mer. À la surface même des vagues, il est retardé par la friction de l'eau sur laquelle il glisse, tandis que plus haut, il n'éprouve aucune résistance et souffle avec toute son énergie. Toujours les voiles supérieures des navires sont plus fortement gonflées que les basses voiles. Au moyen de petites hélices fixées sur les mâts, il me semble qu'on pourrait mesurer l'intensité du vent à diverses hauteurs et refaire pour les courants atmosphériques les calculs que l'ingénieur de Prony a fait pour les fleuves. On apprendrait ainsi à quelle hauteur, au-dessus du niveau de la mer, se fait sentir le maximum de force du vent alisé dans chaque saison et dans chaque latitude. Ce travail, qui, pour être complet et concluant, demanderait du reste de très nombreuses expériences, serait rendu plus facile par la régularité avec laquelle ce vent de la zone tropicale souffle sur les eaux. Loin de se propager comme les vents de nos climats par une succession de bouffées violentes que séparent des intervalles de repos, la brise alisée se meut à travers l'espace par une impulsion toujours égale. C'est un courant dont la vitesse ne change pas. Ma seconde excursion fut plus longue et moins facile que la première. Il s'agissait de traverser à son embouchure le fleuve Manzanares, de longer la plage jusqu'aux ruines du fort de San Carlos et de gravir la montagne qui le domine. Rien de plus aisé en apparence, mais je comptais sans une république de chiens sauvages qui avaient établi leur campement sur la rive gauche du fleuve et ne laissaient pas sans bataille envahir leur domaine. À peine avais-je traversé la barre, longue levée de sable alternativement baignée par les eaux douces du Manzanares et les eaux salées de la mer, que je vis cinq matins vigoureux se lever d'un bond des hautes herbes où ils étaient couchés et s'élancer vers moi, l'œil ardent, le cou tendu. En un instant, j'étais environné et les cinq gueules furieuses s'ouvraient pour me dévorer, lorsque, me saisissant d'un morceau de bois échoué sur le sable, je cassai la mâchoire à l'animal le plus acharné. Ce fut un coup de théâtre. Les matins s'arrêtent, remuent la queue en signe d'affection et se couchent à mes pieds. Plus que tous les autres, le chien à la mâchoire pendante et ensanglantée me regarde avec une servile tendresse. Ce revirement soudain valut pour moi, je l'avoue, la lecture d'un long article d'histoire ou de philosophie. Que d'hommes, que de peuples se sont ainsi courbés sous la main qui les frappait. Combien d'esclaves n'y a-t-il pas en Amérique et ailleurs qui gémissent sous l'oppression et qui, cependant, aiment lâchement leur maître et répondent à chaque nouvelle mesure tyrannique par un nouvel avilissement. Une demi-heure après, j'arrivais au fort de San Carlos, dont les bastions se dressent sur un rocher en travers de la plage. Les murailles sont démantelées, les canons exposés depuis plus d'un siècle à l'âpre vent de la mer tombent par écailles rouilleuses, l'océan s'est creusé des grottes dans les casemates. Rien de plus paisible que tout cet appareil de guerre ébréché par le temps. Nulle part on ne peut mieux rêver qu'au pied de ces remparts qui depuis si longtemps ont cessé de menacer les navires. Malheureusement, du haut du fort, on jouit d'une vue assez bornée, si ce n'est vers la mer qui se déploie à l'occident dans toute son immensité, et l'on ne voit du côté de la terre qu'un étroit horizon de rochers et de cactus. Pour contempler dans toute sa beauté le panorama de la plaine, il faut se risquer sur les pentes très escarpées de la montagne au pied de laquelle a été bâti le fort. Les difficultés de l'ascension commencent à la base même du mont. Les roches ardoisées dont il se compose sont formées d'une masse très friable qui se désagrège sous le pied et roule en débris le long des escarpements. Les seules plantes qui croissent dans les anfractuosités appartiennent à la famille des cactus et sont hérissées de formidables épines. Le sol même est tout jonché de ces dards acérés. Pour gravir à travers les pierres qui cèdent sous les pas, où l'on court risque à chaque instant de perdre l'équilibre, il faut poser son pied avec la plus grande prudence entre les épines et insinuer délicatement son corps sous les troncs et sous les rameaux entrelacés des cactus. Un seul faux pas causé par une pierre roulante, un seul geste maladroit et l'on peut s'aveugler ou se blesser grièvement en s'enfonçant dans les chairs comme des paquets d'épingles. Jadis, les Espagnols de la Colombie plantaient aux abords de leur forteresse des rangs de cactus. Et ces fortifications végétales étaient plus difficiles à franchir que des murailles et des fossés. Afin de mieux connaître l'aspect général de ces montagnes où je désirais m'établir et me familiariser en même temps avec les dangers qu'elles offrent, je résolus de m'enfoncer dans la montagne. Note, forêt vierge. Dans presque toutes les anciennes cartes françaises de l'Amérique, montagna était à tort traduit par montagne. Et de m'élever aussi haut que possible sur les flancs de la Orcueta. Tous ceux auxquels je demandais quelques renseignements sur cette montagne cherchèrent à m'effrayer par la description d'une foule de dangers imaginaires. On me parla de serpents et de tigres, jaguars. Un Indien fort en arithmétique prétendit même qu'il y avait exactement une trentaine de ces animaux, 14 mâles et 16 femelles, rôdant sur les pentes de la Orcueta. Un autre m'affirma qu'il existait dans les vallées supérieures une tribu de sauvages qui avait pour habitude d'assassiner les étrangers au moyen de flèches trempées dans le venin du curare. Un troisième soutint que les montagnes étaient enchantées et que parmi les naturels, d'habiles sorciers s'entendaient avec le diable pour garder l'entrée de leur défilé. Celui qui franchit la première gorge, me disait-il, doit braver des torrents de pluie qui descendent du ciel en véritable cataracte. Si la force et le courage ne lui manquent pas et qu'il atteigne le second défilé, il est assailli par un ouragan de neige. Si malgré la tempête il continue à gravir le roc, alors le diable en personne vient à sa rencontre et montre ses cornes aux voyageurs obstinés. Cette fable s'appuie sur un fond de vérité et peut donner aux gens superstitieux une vague idée de la superposition des climats sur les flancs des hautes montagnes. En effet, la Sierra Nevada, posée comme une barrière gigantesque en travers du chemin suivi par les vents alizés, reçoit dans ses vallées toutes les vapeurs qui s'élèvent de la mer. L'après-midi, vers 2 heures ou 3 heures au plus tard, même pendant les deux saisons des sécheresses annuelles, alors qu'un impitoyable azur s'étend sur la plaine, l'orage éclate dans la Sierra et les vapeurs se précipitent en torrents de pluie dans les vallées inférieures, en ouragans de neige sur les pentes élevées. Plus haut encore s'étendent les Paramos, plateau désert où ceux qui ne sont pas habitués aux courses de montagne sont souvent pris de vertige. Ce vertige, à quoi l'attribuer, si ce n'est au maléfice du démon? Je craignais peu les sortilèges, mais en l'absence de guide, je ne pouvais guère me flatter de découvrir seul les défilés praticables et les sentiers frayés par les tapirs à travers les fourrés. À Sainte-Marthe, pas un seul homme, blanc, noir ou sambo, n'avait pénétré dans la Sierra jusqu'à la base de la Orquetta. 40 jours avant mon arrivée, une dizaine d'hommes, munis de provisions et d'armes, étaient partis pour la montagne dans l'espoir d'obtenir du gouvernement la concession de 16 000 hectares de terres excellentes promises à celui ou à ceux qui découvriraient un col facile dans la direction de Vallée du Par, ville située en droite ligne à 25 lieues du sud-est. Mais l'expédition, loin de franchir la crête de la Sierra, redescendit par une vallée latérale au village de la Fundación, près de la Ciénega. Il est donc certain que ces montagnes sont d'un très difficile accès. Cependant, on ne peut trop s'étonner qu'un sommet de plus de 4000 mètres et se dressant à moins de 4 lieues de distance de Sainte-Marthe soit resté complètement inexploré jusqu'à ce jour. Les pics les plus élevés n'ont pas même reçu de nom et personne n'a jamais su me dire quel était le San Lorenzo, souvent cité dans les ouvrages de Humboldt. Je présume que ce grand voyageur désignait ainsi la Orquetta. Ne pouvant trouver aucun Espagnol qui voulût me servir de guide, je me rappelais la promesse que j'avais faite à mon ami Zamba, Simon Guama, et je résolus d'aller le visiter dans son village de Bonda, espérant trouver en lui un excellent compagnon. Je demandai naïvement où était situé Bonda, mais on me regarda d'un air étonné. « No hay gente en la sierra. » »« Il n'y a personne dans ces montagnes. »« Comment ? Les villages sont déserts ?»« No hay gente, le digo. No hay que chinos. » »« Il n'y a personne, vous dis-je, il n'y a que des Chinois. » Doublement étonné par cette assertion contradictoire, qui niait l'existence d'habitants dans les villages de la Sierra et affirmait en même temps que les Chinois s'y étaient établis, j'insistai pour avoir la clé de cette énigme et j'appris que les habitants de la plaine, blancs et noirs, portent seuls le nom de gente, gens. Quant aux Indiens des montagnes, ils n'ont pas droit au titre d'hommes, ils ne sont que des Chinois. Ce nom, de même que celui d'Indien, évidemment imposé aux indigènes de l'Amérique par les premiers conquérants, est une nouvelle preuve que les Espagnols étaient fermement persuadés d'avoir découvert les côtes orientales de l'Asie. Christophe Colomb croyait que les côtes de Veragua, près de Portobello, étaient à 9 journées de marche de l'embouchure du Gange. Pour lui, l'île de Cuba n'était autre que le Japon ou le royaume de Cipango. La côte ferme était une péninsule de la vaste et mystérieuse Terra Sinensis et les peaux rouges étaient les Chinois ou des Indiens. Dans l'embarras du choix, on leur donna les deux noms. L'un a été adopté en Europe, tandis que l'autre s'est perpétué dans l'Amérique du Sud jusqu'à nos jours. Longtemps, les Castillans refusèrent le titre d'hommes aux indigènes et les traitèrent comme des bêtes brutes. Les nègres importés d'Afrique ne furent pas respectés davantage dans l'origine. Mais par suite des croisements et de l'abolition de l'esclavage, le mélange entre blancs et noirs s'opéra graduellement, tandis que les Indiens restaient à l'écart dans leurs vallées montagneuses. Peu à peu, les nègres et les mulâtres, avec leur outrecuidance naïve et la puissance d'assimilation qui les distingue, se sont rangés hardiment dans la gente, et laissent aux Indiens seuls la qualification dédaigneuse de « ninguno », personne. Il va sans dire que nul ne fait cette distinction injurieuse dans les États plus civilisés de la Nouvelle-Grenade, sur les hauts plateaux où les Indiens forment la plus grande partie de la population et sont depuis longtemps nés à la vie politique. Les tribus indiennes, qui ne sont point encore fusionnées dans la masse du peuple et vivent à part dans leurs villages ou leurs ranchos, sont les seules que les habitants des villes se permettent de traiter ainsi. Elles forment tout au plus la 20e partie de la population néo-grenadine. Le désir de voir ces chinos ne pouvait qu'augmenter mon ardeur pour l'excursion de la Orqueta. Mon ami Ramon Diaz s'offrit à m'accompagner jusqu'à Mamatoco, village indien situé à une lieue de Sainte-Marthe sur la rive gauche du Manzanares. Le large sentier qui mène à ce village traverse les jardins, longe au nord de la vallée la base de la chaîne montagneuse, puis s'engage dans un défilé entre cette chaîne et quelques mamelons rocheux couverts de cactus. C'est par là que, pendant les fortes crues, le Manzanares déverse ses eaux et menace la ville de Sainte-Marthe. Dans chacune de ces inondations, il apporte avec lui d'énormes quantités de sable qui recouvrent les chemins de leur masse mouvante et rendent la marche extrêmement pénible. Au-delà du fleuve, que l'on traverse à gué, la route devient excellente et l'on atteint en quelques minutes le village de Mamatoco, longue rue bordée de cabanes et aboutissant à une petite place où s'élève une maison à fenêtres et à véranda appartenant au consul anglais. Presque tous les Indiens, hommes, femmes et enfants, étaient occupés dans leurs jardins et dans leurs champs de canne. La rue était déserte et les seuls habitants du village semblaient être les vautours, gallinazos, perchés sur les toits de feuilles de palmiers. Rien de spécial ne me retenant, à Mamatoco, je pris congé de Ramon Diaz après avoir demandé les renseignements nécessaires et je m'empressai de gravir le sentier montueux qui mène à travers les forêts à la belle vallée de Bonda. Mon ancien compagnon de voyage, Simone Guama, me reçut avec une explosion de joie et courut appeler ses amis pour fêter avec eux ma bienvenue par une bouteille de chicha. Ensuite, il me servit un repas de fruits et de pichi pichi et me fit promettre de passer la nuit dans sa cabane. Note, pichi pichi, petit coquillage bivalve offrant une certaine ressemblance avec le Cardium esculentum. Vrai caballero, il me montra et mit à ma disposition ses outils, ses instruments et jusqu'à ses habits. Mais il oublia de me présenter à sa femme, indienne effarée, dont la chevelure en désordre flottait au vent comme une crinière de cheval. Jamais son mari ne lui adressait la parole. Il se contentait de lui donner par signe des ordres qu'elle comprenait du reste admirablement et s'empressait d'exécuter aussitôt. Devant les étrangers, la femme du peau rouge de la Sierra est toujours une esclave muette. D'où vient cet effacement absolu de l'épouse lorsqu'elle voit pénétrer un tiers dans la cabane conjugale? Peut-être d'un raffinement de jalousie chez l'époux. Avec cette religion qu'il met en général dans tous ses actes, le mari considère sa femme plutôt comme une institution que comme une personne. Elle est sa propriété par excellence, et pour mieux la sauvegarder, il ne veut pas même qu'elle soit admirée. Le musulman voile sa femme, plus jaloux encore. L'Indien l'abaisse systématiquement devant l'étranger. Il en fait une esclave, lui défend la parole, presque le regard, lui ôte toute individualité et la supprime, pour ainsi dire. Faite à son rôle de machine, la femme l'exécute admirablement. Mon titre de français me valut un accueil empressé de la part de tous les Indiens invités par Zamba. Les pirates bretons et nantais, qui jadis écumaient la mer des Antilles et qui ont laissé tant de sanglants souvenirs sur les côtes de la Colombie et de l'Amérique centrale, n'en voulaient qu'aux frégates, aux plantations, aux villes espagnoles et dans leurs expéditions prenaient souvent les Indiens pour compagnons de meurtre et d'incendie. De là, sans doute, cette popularité qui s'attache au nom de Français. Malgré moi, je devenais solidaire des anciens pirates de l'île à la tortue. De même que les autres tribus de la Sierra Nevada de Sainte-Marthe, toutes connues par les noms de leurs villages, Gaïra, Mamatoco, Massinga, Taganga, la tribu des Bondas descend de l'ancien peuple des Taironas qui, lors de l'arrivée des Espagnols, cultivaient les vallées et les pentes des montagnes jusqu'au pied même des glaces et pouvaient, dit-on, mettre plus de 50 000 combattants sous les armes. Plus d'une fois, il repoussa les Espagnols en bataille rangée et la plage de Gaïra garde encore le souvenir de la terrible lutte où toute une armée d'envahisseurs blancs fut exterminée jusqu'au dernier homme. Cependant, les Indiens attaqués de nouveau cédèrent à la fin devant la discipline et les armes à feu des Européens et probablement ils ne doivent qu'aux retraites de leurs montagnes d'avoir en partie échappé au fer et à la flamme. Aujourd'hui, les descendants des antiques Taïronas sont dans un état de transition. Ils ne sont pas encore entrés dans le courant de la vie civilisée comme leurs frères des états de Santander et de Boyaca, et cependant, ils ne vivent plus dans la fière et sauvage liberté d'autrefois. Ils ne parlent même plus la langue de leur père, et depuis la guerre de l'indépendance, qui les a transformés en soldats et en citoyens, ils ont perdu le sentiment de la patrie locale pour se rattacher à la grande patrie grenadine. C'est dans ce nouveau patriotisme qu'est le germe de leur régénération future. Les caciques des Indiens de la Sierra n'ont jamais eu qu'une autorité librement consentie par tous les membres de la tribu. Mais autrefois, ils pouvaient juger tous les procès et prononcer tous les arrêts d'une manière absolue et sans appel. Aujourd'hui, les caciques ne sont en réalité que de simples juges de paix et toutes les affaires importantes doivent être portées devant le tribunal de Sainte-Marthe. Simone Guama l'avait appris à ses dépens. S'il eût été jugé dans sa tribu, il n'aurait certainement pas été condamné à la forte peine qu'il avait dû subir pour avoir pénétré de nuit dans la cabane d'un mulâtre de Mamatoko et l'avoir complètement pillé. Chaque peuple a sa morale. Aux yeux des autres bandas, Zamba n'avait commis qu'une peccadille et quand il revint du presidio, il n'avait rien perdu de sa considération. Malgré les apparences, la religion des Indiens de la Sierra diffère également de celle des Samarios. Il est vrai qu'ils n'adorent plus le soleil. En général, ils ont même dans leur cabane une petite image de la Vierge fixée à une poutrelle par une épingle ou par un clou. Mais cette image ne suffit pas pour les rendre catholiques. La Sainte Vierge leur semble une bonne petite déesse suffisante tout au plus à la protection du foyer, mais complètement impuissante au dehors de la cabane. Qu'ils franchissent le seuil de leur porte, aussitôt ils voient les deux grandes pointes bleues de la Orcueta se dresser au-dessus des forêts et des pics. Cette double cime, c'est la grande, la redoutable déesse de toutes les tribus qui vivent à son ombre. C'est elle qui arrache des nuages au ciel pour les cindre autour de son front. C'est elle qui épanche les torrents de ses gorges et de ses vallées. Elle qui mugit par la voix des orages. La plaine qui s'étend à ses pieds est fertilisée par ses pluies et par ses ruisseaux. N'est-ce pas à elle qu'il faut reporter tout hommage pour la croissance des plantes et pour la nourriture journalière? N'est-ce pas devant elle qu'il faut trembler quand elle lance la tempête dans les vallées qui l'entourent? Depuis son retour des galères, Samba Simone Guama avait eu déjà le temps de se faire industriel et de monter une petite sucrerie. Pendant les quelques instants de répit que me laissait son hospitalité trop empressée, je tâchais d'examiner en détail tous ses appareils de fabrication. De même que tous ceux des modestes usines de la Sierra, ils se réduisaient à bien peu de choses. Mais ils ne m'en semblèrent pas moins respectables, comme le type originel des machines compliquées et savantes que l'on voit aujourd'hui dans les usines importantes d'Europe et d'Amérique. Un âne attaché à un manège fait tourner l'un sur l'autre deux rouleaux à engrenage de bois. Un enfant introduit le petit bout de la canne à sucre entre les deux rouleaux, la canne est écrasée, et le vin de canne s'écoule par un tuyau de bambou dans une énorme calebasse où un second enfant, muni d'une calebasse plus petite, puise le jus pour le transvaser dans la marmite qui sert à la fois de grande, de flambeau, de sirop et de batterie. Note : nom des quatre chaudières dans lesquelles le vin de canne doit passer successivement avant d'être tiré. Cette marmite, soutenue par quelques briques, repose sur un fourneau creusé dans le sol, de sorte que pour activer le feu, le chauffeur est obligé de sauter au fond d'un trou de plus d'un mètre. Toutes les 24 heures, on verse le sirop de la marmite dans un baquet où il se fige lentement. Puis on le découpe en panelas, petit pain rectangulaire qui forme avec les bananes la base de l'alimentation dans les provinces septentrionales de la Nouvelle-Grenade. Il arrive souvent que des Indiens et des Nègres se contentent de sucre à leur repas. J'ai calculé que sur les côtes atlantiques de la Colombie, chaque personne mange plus de 150 kg de sucre par an. Dans aucun pays du monde, pas même dans les Antilles, la consommation de cette denrée n'est aussi considérable. Nulle part aussi, la canne n'est plus riche en sucre. Et bien que les moyens d'extraction soient tout à fait primitifs, le rendement du vin de canne en sucre cristallisé est d'environ 16%. La nuit venue, Simone Guama, voulant me donner l'hospitalité en véritable gentilhomme espagnol, fit déployer par sa femme une grande toile neuve tissée des fibres de l'agave américaine, puis montant sur un tronc de gaillac qui servait alternativement de chaise et de table, il parvint à hisser cette toile sur mon lit, espèce de clé fixée au-dessous du toit. Jamais peut-être un Indien n'avait montré pareil luxe et je manifestais ma reconnaissance à Zamba lorsque tout à coup un scorpion tomba d'un pli de la toile. Mes remerciements expirèrent sur mes lèvres et ce fut avec une véritable frayeur que je grimpai sur ma couche. Ma nuit fut assez peu confortable, je l'avoue. Il me semblait à chaque instant qu'un autre scorpion allait me plonger son dard dans les chairs. Le lendemain, en descendant du perchoir de canne sauvage sur lequel j'avais si désagréablement passé la nuit, à 3 mètres au-dessus du sol, j'engageai Simone Guama à m'accompagner à la Orquesta. Mais il m'avoua ne pas connaître cette région des montagnes et n'avoir parcouru que les Sierritas du voisinage. Il m'offrit en même temps à me conduire jusqu'à Masinga, village situé au sommet d'une terrasse très élevée, d'où l'on jouit d'une vue admirable sur la mer et la plaine de Sainte-Marthe. Il m'affirmait que là, je trouverais facilement un guide. En effet, à peine eus-je adressé ma demande au caporal, au cacique des Indiens de Masinga, que celui-ci me présenta un jeune homme qui, disait-il, pourrait me mener en toda parte del mundo, dans toutes les parties du monde. Je me hâtai de conclure le marché avec ce guide incomparable et nous partîmes aussitôt. Pendant plusieurs heures consécutives, nous marchâmes à travers la forêt sur le versant d'une vallée où nous entendions rouler un torrent. Puis nous suivîmes un chemin frayé par les chèvres au milieu des pâturages. Et vers 2 heures de l'après-midi, nous arrivâmes sur un plateau aride où se perdait toute trace de sentier. En face, bien au-dessus de nos têtes, apparaissait bleue et sereine la double tête de la Orquesta séparée de nous par un abîme. En nous retournant, nous pouvions encore apercevoir la plaine étalant sa ceinture verte autour du bassin tranquille du port. Le guide, qui jusque-là avait marché d'un pas ferme, donnait des signes d'inquiétude. Il était évidemment arrivé au bout de ce monde qu'il connaissait si bien, et ce fut à mon tour de le conduire. Je montai d'abord sur un grand peladero, dans l'espérance de pouvoir contourner du côté sud la grande vallée qui s'étend au pied de la Orquesta. Peladero, monticule de roches dénudées par les agents atmosphériques. Mais je vis qu'il fallait nécessairement franchir ce gouffre et choisissant pour descendre une gorge dont les pentes étaient couvertes d'un fourré de cannes épineuses, je descendis de mon mieux dans le lit du torrent. Les bords en étaient ombragés par une végétation tellement enchevêtrée que pour avancer, il était souvent plus facile de nous glisser de branche en branche comme des singes que de ramper sur le sol. Après nous être déchirés, les vêtements, les mains et le visage, nous parvînmes à atteindre le plateau qui domine l'autre rive. Mais arrivé à la lisière de la forêt qui s'étend sur les pentes mêmes de la montagne, il nous fut impossible de franchir la barrière des troncs. des lianes, des parasites entrelacés. En même temps, un orage menaçant se formait sur nos têtes. Il fallut bien céder aux plaintes de mon guide et me décider à faire ignominieusement volte-face. Ainsi que l'on me l'avait prédit, les sortilèges du diable l'avaient emporté. Pour redescendre à Massinga, le chemin le plus commode me sembla le lit du torrent dont nous avions longé la vallée. Ce fut une descente pénible. Pendant plus de 2 heures, sous une pluie battante, il nous fallut bondir de degré en degré sur un immense escalier dont les marches sont des rochers et des troncs d'arbres jetés au hasard. Tous ceux qui sont habitués aux courses de montagne savent que pour descendre ainsi, il faut s'en remettre entièrement à son instinct et laisser se réfugier dans les membres l'intelligence qu'on a ordinairement dans la tête. Réfléchir alors qu'un pied s'arrête sur la pointe d'un roc et que l'autre se balance dans l'espace, c'est tomber, et tomber, c'est se fendre le crâne. Tantôt, il faut sauter par-dessus une branche d'arbre, tantôt ramper au-dessous, puis s'élancer sur un rocher au milieu de l'eau blanche d'écume, se tenir en équilibre sur le bord d'un précipice, appuyer son pied sur l'anfractuosité d'une paroi verticale et savoir se retenir à une branche de bois mort sans la briser, à une touffe d'herbe sans l'arracher. Nous descendions ainsi lorsque tout à coup je ressentis à l'œil une vive douleur. Une guêpe du pays, la conchahona, dont j'avais par mégarde frappé le nid suspendu à une branche d'arbre, venait de me percer la paupière. En quelques secondes, l'œil piqué était entièrement fermé et l'autre ne laissait passer la lumière qu'à travers une fente étroite. Je n'y voyais plus qu'à peine et je me laissais péniblement glisser de bloc en bloc quand soudain je me trouvais dans l'eau jusqu'à mi-corps, au fond d'un petit bassin creusé dans le rocher à côté d'une cascade mugissante. Heureusement que les premières cabanes de Massinga n'étaient pas éloignées. Je m'y traînais péniblement à l'aide de mon guide et j'allais chez le caporal réclamer l'hospitalité à laquelle ma qualité d'étranger me donnait droit. Mon hôte mit aussitôt une compresse sur mes yeux, me hissa sur la clé de canne sauvage attachée aux poutres du toit. Puis il s'empressa d'aller chercher le médecin sorcier du village. Celui-ci, beau jeune homme, à l'œil rêveur, à la démarche hésitante, me caressa longuement la figure, comme les Indiens ont l'habitude de le faire à leurs malades. Puis il m'appliqua sur la paupière une feuille de narantrito. En peu de minutes, je me sentis complètement guéri. Narantrito, arbuste dont la feuille ressemble à celle de l'oranger. Fin du chapitre 7.